Restez avec nous, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. البته جنگ در مناطق افغانستان در هر نقطه فرق میکند. چی در مناطق کوهستانی، در شهرها و در اراضی هموار. Cette semaine, l'Afghanistan. D'une monarchie constitutionnelle à un chaos institué, l'interminable état de guerre. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire. Au début des années 70, l'Afghanistan a derrière elle 40 années d'un même régime. C'est une monarchie constitutionnelle présidée par le roi Mohammed Zahir Shah. Le roi est un esthète, un homme cultivé, assez élégant. Ses études à Montpellier, au lycée Janson de Sailly, à Paris, 16e, quelque part entre les beaux quartiers d'Auteuil et de Passy, l'instruction militaire qu'il reçoit à l'école des officiers d'infanterie de Kaboul suffisent pour le former à devenir roi. Les événements ne lui donnent guère le choix. Il a 19 ans quand son père est assassiné et qu'il prend sa succession, mais avec dans son cursus 2 années passées respectivement au ministère de la guerre et à celui de l'éducation. 20 ans de pouvoir en famille avec les oncles Mohammad Hashim et Shah Mahmoud Ghazi. Vient ensuite le cousin Daoud. Daoud, lui, va privilégier les relations avec l'URSS avant que Zahir Shah, dans une brusque crise d'autorité, ne le congédie, introduisant dans le même temps dans la constitution du pays l'interdiction formelle aux membres de la famille royale d'occuper des fonctions politiques. C'est ce qu'on appelle scier la branche sur laquelle on trône. Ça ne manque pas. Il ne faudra plus désormais qu'une épouvantable famine et l'absence évidente de Zahir Shah aux côtés de son peuple pour que le coup d'État ait lieu. Détail qui ne s'invente pas, Zahir Shah suit des soins balnéaires à Naples quand le putsch le prive de son trône. N'ayant d'autre choix, il abdique depuis son exil italien de tous ses droits avant d'être déchu de sa nationalité. Est-ce par fierté ou par amour de l'Italie, Zahir Shah ne remettra plus jamais les pieds en Afghanistan. Mais ce premier coup d'État préfigure une suite non moins chaotique. 5 ans plus tard, l'Afghanistan est victime d'un deuxième coup d'État et on n'en est qu'au début du désordre. Chapitre 1. Il était une fois la première révolution. Cette révolution de sort, du nom de la période qui va du 22 avril au 22 juin sur le calendrier afghan, va préciser les difficultés que connaît en cette fin de décennie 70 l'Afghanistan. Le pouvoir ne fonctionne pas, en bas, ça rue dans les brancards. Pour tenter de calmer le jeu, l'URSS apporte son soutien à l'élimination de Daoud, son ancien allié. Comme quoi l'amitié en politique n'a guère la solidité ni la pérennité de la montagne afghane. L'aristocratie part en exil pour les plus chanceux, les autres finissent en prison. Les nouveaux partis au pouvoir adoptent des réformes dans un projet modernisateur sincère et croient ainsi bien faire en confisquant les terres aux grands pour les donner, sinon aux petits, tout au moins aux moyens. Mais apparemment, ça ne convainc personne. Ce ne sont pas les terres qui manquent en Afghanistan, c'est l'eau. Donc on a pris les terres, on a confisqué les terres aux grands propriétaires, on les a distribuées à leurs métayers, qui sont donc retrouvés eux-mêmes petits propriétaires, mais sans eau, sans engrais, sans semences, toutes choses qui auparavant étaient fournies par le système traditionnel, qui avait ses défauts, mais qui fonctionnait. Et le métayer a rendu la terre au propriétaire, parce que il pouvait pas faire face lui-même, et le gouvernement ne s'est pas substitué au propriétaire, n'a pas fourni les engrais, n'a pas fourni les engins agricoles et tout ce qui devait accompagner cette réforme agraire. À ce moment-là, la rébellion pouvait, c'était pas encore une rébellion, ça pouvait être désamorcé par des mesures politiques ou économiques, le gouvernement pouvait faire marche arrière. Il ne l'a pas fait, il a envoyé la troupe entre fin 78 et début 79. Et c'est de là qu'est partie la rébellion afghane. Le soulèvement des tribus au nom de la foi islamique, la désertion au sein de l'armée afghane et le massacre de plusieurs de ses conseillers placent l'Union soviétique devant une alternative. Un retrait ou une intervention. Chapitre 2. L'armée rouge au boulot. Elle décide de passer à l'action au mois de septembre 1979. Mais les raisons ne sont pas seulement internes. Henri Fogler. Les soviétiques, sans doute, ont voulu prévenir ou prévoir le risque d'une pénétration des États-Unis au Pakistan et de là en Afghanistan du fait de la défaite américaine en Iran. En fait, c'était une stratégie soviétique pour prévenir une pénétration des États-Unis à ses frontières du Sud. Mais qui donc, avec un Brejnev alité, en quasi-permanence perclus entre douleurs et médicaments, et un Kosygin régulièrement absent de Moscou, qui donc prend cette décision d'intervention en Afghanistan? C'est la machine soviétique qui a agi, selon un computer, et qui a décidé qu'il était préférable de prendre ses positions tant qu'il était temps encore, alors que Carter, finalement, sera-t-il réélu ou non, et qu'il y aura toujours le temps de refaire les relations avec les États-Unis. Or, il sera beaucoup plus difficile pour les Soviétiques de normaliser une situation au sud de ses frontières, surtout que la Chine est amie du Pakistan, que les États-Unis apparemment ont des visées sur le Pakistan et que l'Afghanistan représente tout de même 2000 km de frontières voisines avec l'Union soviétique et il risque de contaminer quelques 50 millions de musulmans. Or, dans cette région justement, il y a 60 millions de musulmans fanatiques au Pakistan, il y en a 20 millions en Afghanistan, sans compter les 30 millions qui se trouvent en Iran. Les forces soviétiques déboulent sur Kaboul avec un contingent d'environ 90 000 soldats. Très vite, ils prennent le contrôle des aéroports et de la capitale. Côté dirigeant, on a également apporté l'aspirateur. Le premier ministre est assassiné, remplacé par Babra Karmal, le nouvel homme installé par Moscou. En face, on veut résister. Mais résister avec quoi ? Réponse par un militaire, le général Buy. À l'heure actuelle, la rébellion, contrairement à ce qu'on raconte, a les mains nues. On dit partout sur la frontière pakistanaise au sud de l'Afghanistan, dans toutes ces petites villes et villages, vous pouvez acheter des Kalachnikovs, vous pouvez acheter tous les fusils que vous voulez. C'est de la fabrication locale. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la Kalachnikov, mais à cela près que à la millième cartouche, ça éclate. Et pareil pour les fusils. Donc, pour le moment, en dehors de quelques armes qu'ont pu emporter les forces qui sont passées à la rébellion a les mains nues. Et ce qu'elle craint surtout, ce sont ces armes qui n'existaient pas autrefois, quand leurs pères résistaient aux Anglais et aux Russes, ce sont les hélicoptères d'attaque. Ce sont les Mi-6, les Mi-10, les Mi-8. Et on a le sentiment que les Soviétiques en font un emploi considérable, parce que évidemment, quand il n'y a pas d'armes pour tirer sur les hélicoptères, qui est un gibier extrêmement commode et facile pour de bonnes armes, L'hélicoptère, lui, est tout puissant. Il va jusqu'à quelques mètres d'entrée des grottes, il remonte les vallées et il peut tirer ses missiles et ses obus partout où il veut. Le coup d'état de Kaboul permet à l'URSS de contrôler les grandes voies de communication maritime essentielles à l'approvisionnement du monde occidental. La machine de guerre soviétique est en marche et donne dans l'efficace. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire avant que l'hiver ne se soit installé partout, de façon à ce que tous les gens qui ont fui l'Afghanistan, toute la rébellion, ne puissent pas revenir chez elles en ce moment, c'est-à-dire avec l'hiver qui s'y établit pleinement à l'heure actuelle. Ils ont détruit donc tous les villages qu'ils ont pu détruire et ils ont surtout détruit les moissons futures, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de moissons au printemps de 1980. Alors ça, on est certain que ce sont les Soviétiques qui le font parce que hélicoptères et avions, même s'ils portent la marque afghane, sont pilotés par des Soviétiques depuis le mois de mai dernier. De sorte que finalement, les Soviétiques ont bien choisi leur moment. Ils ont choisi leur moment, ils ont fait ça pendant la saison sèche, pendant la saison d'été. Ils ont démoli tous les abris. Il va y avoir de la vie des gens sérieux, des ethnologues, des gens qui connaissent le pays dans sa profondeur. Il va y avoir des morts de faim dans le centre de l'Afghanistan, de l'ordre de nombreuses centaines de milliers au printemps prochain. Et le problème est de savoir si cette résistance va être armée et équipée par les États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan ou non. Et ceci devrait être fait très très très vite si on ne veut pas que la résistance se décourage. L'intervention soviétique ne s'effectue pas sans soulever une émotion internationale intense. L'action est condamnée par l'ONU. Dans le monde islamique, elle contribue à accentuer les relations entre l'URSS et l'Iran, en plus d'altérer celles avec l'ancien pays allié, l'Irak. Mais sur le terrain, on multiplie les appels au secours. Certains finiront par être entendus, mais au bout de combien de temps ? Теперь ничто не остановит. Chapitre 3. Stratégie soviétique et voie afghane. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. Moi et mes camarades, nous combattons pour libérer notre pays, envahi il y a 3 ans par l'armée soviétique. Depuis l'été dernier, les bombardements ont détruit nos villages et les avions ont brûlé nos maisons et nos récoltes. Si aucun secours ne vient de l'extérieur, la population, les vieux, les femmes et les enfants devront partir en plein hiver et rejoindre les millions de réfugiés afghans qui ont déjà quitté le pays à cause de la guerre. Je fais appel à l'aide internationale afin qu'on nous envoie des vivres qui nous permettent de continuer notre lutte de libération contre l'occupation soviétique. Je fais appel à tous les hommes libres. Ce n'est pas par hasard que les Soviétiques ont choisi la fin de l'été pour intervenir en Afghanistan. En choisissant de détruire le plus grand nombre d'infrastructures, plaçant les populations dans la perspective d'un hiver rigoureux, leur stratégie est précise et répond à un plan tactique précis. En face, les suppliques des chefs de la résistance afghane sont suffisamment peu entendues. La communauté internationale, au-delà de la protestation d'usage, laisse le champ libre aux Soviétiques. Mais voilà, 1 an est passé et la situation peu ou prou en est au même point. On commence à s'interroger. Comment des combattants quasiment mains nues peuvent-ils affronter une telle puissance militaire? Du coup, on commence à entendre de plus en plus régulièrement sur les antennes les représentants de la résistance afghane. Les soviétiques, ça, ils essayent de fermer de toute façon les frontières où ils peuvent. Ça fait plus d'un an qu'ils ont changé, qu'ils sont rentrés dans une nouvelle escalade militaire. Et c'est une partie de cette escalade que depuis qu'ils font l'offensive un peu régulièrement. Ce qu'il est nécessaire pour la guerre d'aujourd'hui, pour vraiment obliger les soviétiques à réfléchir et à se retirer leurs troupes. Ils ne donnent pas les moyens et l'occasion pour la résistance, pour les moudjahidis. Ce n'est pas seulement mes besoins à moi, c'est les besoins de toute la résistance, de tous les moudjahidis d'Afghanistan. Par exemple, aujourd'hui, si on avait un peu plus des roquettes de longue portée, par exemple, de 2000 mètres, les bazookas, ils sont très légers. Ils ne coûtent pas si cher, dans une aide de 280 millions de dollars. Mais malheureusement, pour défendre des attaques comme ça, ce qu'il faut, on n'a pas. Et des fois, on était obligé d'être le spectateur. On entend aussi bien ceux qui parlent le français et qui s'expriment intelligiblement que ceux pour qui c'est un peu moins le cas. Celui-ci, par exemple, a été attrapé par les troupes afghanes qui sont au service des soviétiques. On a voulu le faire parler, qu'il dise où se trouvaient ses camarades, son camp. Il a refusé, alors on lui a passé un foulard autour du cou, attaché le foulard à la bride d'un cheval et fait partir le cheval. Le corps humain a de ces secrètes protections qui permettent à l'individu, en cas de douleur insupportable, de s'évanouir. Purement et simplement. La traduction est assurée par Marajuddin et Mabzadarot. De toute façon, il dit que je ne connais pas le chiffre exact, mais selon ses souvenirs, dans la prison de Kaboul, à Poulcharkhi, évidemment, les combattants sont nombreux et ils sont torturés au moyen électriques et aussi avec des bâtons, n'est-ce pas, on les frappe. Donc ils ont deux attitudes, les soviétiques et son gouvernement. Lorsqu'ils emprisonnent ou bien attrapent un combattant de simple soldat, comme on dit. Bon, ils prennent son arme et après ils le libèrent. Donc ils ne font pas de torture pour avoir une espèce de crédibilité. Mais quant aux autres, à savoir les commandants ou leaders de la résistance, ou ceux qui ont une activité importante dans la résistance, ceux-là, évidemment, ils sont torturés, et s'ils ne mordent pas sous la torture, puis après ils le conduisent au poteau. Donc ils le tuent. La résistance afghane est sans doute divisée, mais pour l'heure, on agite un autre levier. Celui qui permet de faire la quasi-unanimité de l'opinion en Occident contre les soviétiques. Les représentants afghans qui se succèdent dans les médias, les uns après les autres, deviennent les symboles d'une résistance héroïque, d'autant que celle-ci commence à engranger des succès sur le terrain. Mais les difficultés ne changent pas. Sitôt on a gagné un village, on est incapable de le tenir, il n'y a pas d'armement. La seule issue est bien l'aide internationale. Un commandant de la région de Kaboul au micro d'Yves Maga, la traduction est assurée par Valizekia. البته جنگ در مناطق افغانستان در هر نقطه فرق میکند. چی در مناطق کوهستانی، در شهرها و در اراضی هموار. Nous avons pu avoir beaucoup plus de succès. Nous avons pu dominer beaucoup plus Kaboul et même peut-être essayer de sauver pour toujours beaucoup de grandes villes. Mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas l'armement nécessaire contre l'ennemi. Nous n'avons pas assez d'armement, ni l'armement nécessaire sophistiqué. Ça, vous le savez déjà, on en a déjà tellement, tant de fois parlé. Mais ce manque d'armes, il serait donc possible d'y remédier principalement ou uniquement grâce à une aide occidentale. Est-ce que vous êtes toujours finalement aussi déçu de l'aide occidentale ? البته با ما کسی تا این حال کمک نظامی نکرده. آن ده ممالک آزاد جهان و یا ممالک اسلامی و یا آمریکا که با ما کمک کرده. En ce qui concerne l'Occident, nous n'avons vraiment jusqu'à maintenant rien reçu de point de vue aide pour l'armement. Passent les semaines et les mois d'un combat âpre où chaque victoire a le goût du sang des milliers de victimes qui s'accumulent. La maturité politique est à ce prix. La résistance a beau demander des armes, elle sait à présent que l'issue de cette guerre est aussi autre part que dans les armes. La représentativité internationale dont elle est pour le moment exclue devient pour elle une nécessité vitale. Humayun Tandar, un résistant du mouvement Jamiat, répond à Manuel Girard. Actuellement, les Nations Unies tentent une médiation en essayant de mettre sur pied des discussions entre le gouvernement de Kaboul, le Pakistan et l'Iran. Mais la résistance n'est pas représentée dans ces discussions. Est-ce qu'alors cette résistance ne pense pas que de telles négociations soient vouées à l'échec ? Je pense que ce genre de négociations sont certainement vouées à l'échec parce que la partie prenante n'est pas dans l'affaire, qui est la résistance afghane. Et en dehors de la résistance afghane, il n'y a pas de solution pour le problème en Afghanistan. C'est pour ça que je vous parlais que l'ONU doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe en Afghanistan et doit inviter la résistance afghane. Le nom de chanson, c'est Mujahid. Et toute la chanson parle de Mujahid, de son victoire, et que Dieu te garde. Et que nous t'admirons. Et Dieu est avec toi. Nous casserons la tête aux Soviétiques. Et nous le chasserons de notre pays. On devrait plus souvent écouter des chansons d'enfants. L'invasion soviétique en Afghanistan va durer 8 ans, faisant 1 million de morts et plus de 5 millions de réfugiés. Entre-temps, on aura remplacé Barma Karmal par le chef de la police secrète, Mohamed Najibullah. Mais ce régime pro-soviétique sur place, ni la population, ni bien sûr la résistance, ne voudront en entendre parler. En avril 1988, l'accord pakistano-afghan, entériné à Genève et cautionné par les États-Unis et l'URSS, il prévoit le retrait échelonné des troupes soviétiques, mais cet accord laisse entier le problème des relations entre le gouvernement de Kaboul et la résistance. La crise en Afghanistan est bien loin d'être terminée. La musique traditionnelle afghane est faite d'un amalgame de musique indienne, persane, turque, voire même russe, et même de vieilles origines rythmiques de la Grèce antique, Alexandre le Grand oblige. Ceci est un chant en ouzbek et dari de la région de Mazar-i-Sharif. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, Janine Mamy. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. Écoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.